putain que j'ai mal, putain que j'ai mal, putain que j'ai mal, putain que j'ai mal, putain que j'ai mal, putain que j'ai mal, putain que j'ai mal, putain que j'ai mal. Y'a trop de monde dans la pièce. Je me sens un peu comme un claustro. Pour ne pas pourrir l'ambiance, j'acquiesce. Je suis à deux doigts de vouloir finir à l'hosto. J'ai besoin d'espace et de place. Si tu rentres dans ma bulle, j'explose. J'aimerais que tout le monde m'efface. Discret au bord de la nécrose. Y'a trop de monde dans la salle. Je vais tout faire pour qu'on me remballe. Car plus il y a de monde, plus je tremble. Je vais retourner au calme dans ma chambre. Je n'arrive pas à affirmer ma personnalité. Je parle comme marche une personnalité. J'ai peur que mes dires sincères soient beaucoup trop vulgaires. Donc 90% du temps j'ai préféré me taire. J'ai peur. Je ne veux pas qu'on me voie comme un fou. Malade, timide et schizoïde me va mieux. Je sais que je peux devenir de plus en plus fou. Mais dans ces moments-là, je reste au pieu. Je socialise un minimum quand je joue aux jeux vidéo. Même si souvent je ne dis même pas un mot. Je n'ai pas grand-chose à raconter. Je n'ai pas non plus envie de vous écouter. Y'a trop de monde que je ne connais pas. Mais je n'ai vraiment pas envie de les connaître. Autant que je n'ai pas envie qu'ils me connaissent. Trop d'amitiés sont mortes donc je ne veux plus qu'ils naissent. Si je n'ai plus d'amis c'est que je n'en voulais plus. Si j'arrête la musique c'est que je n'en pouvais plus. Si j'arrête de fumer c'est que pour l'instant j'en ai plus. Si j'arrête de vivre c'est que j'ai fait tout ce que j'ai pu. J'ai peur.